une histoire particulière. L'affaire Skripal, premier épisode hier, dans lequel Michel Pomaret et François Test nous emmenaient à Londres pour décrypter une sombre histoire d'espion. L'affaire Skripal a entraîné la pire crise diplomatique entre la Russie et le Royaume-Uni que l'on ait connue depuis des années. Au départ, il y a Sergueï Skripal, cet ancien agent double russe qui renseignait les services occidentaux. Le 4 mars 2018, à Salisbury, Sergueï Skripal et sa fille Loulia sont hospitalisés dans un état grave. A priori, ils ont été empoisonnés. Le Novichok, un agent neurotoxique, aurait été mélangé à du parfum et déposé sur la poignée de la porte d'entrée de leur domicile. Une méthode digne d'un film de James Bond, et pourtant, avec Michel Pomaret et François Test, vous allez voir dans le second épisode qu'empoisonner ses ennemis n'est pas une nouveauté, loin s'en faut. Quand espion rime avec poison. Michel Pomaret, François Test. Des faits d'armes qui traversent les époques. À l'époque, le journaliste bulgare Georgi Markov vit en exil à Londres. Ce jour-là, il quitte sa maison à 14h. Comme tous les jours de la semaine, il se gare dans le parking sous l'accès sud du pont de Waterloo. Aux alentours de 14h30, il monte les escaliers pour rejoindre le pont. Comme il est sportif, il se rend à pied jusqu'au Bush House, l'immeuble de la BBC World Service, situé sur l'autre rive de la Tamise. Un peu plus tard, Markov raconte ce qui s'est passé. Ayant senti une piqûre vive à l'arrière de sa cuisse droite, il s'est retourné, a vu un homme ramasser un parapluie et s'éloigner rapidement après avoir marmonné des excuses. Quatre jours après cette scène, Georgi Markov meurt. Il a été empoisonné. Nous sommes le 11 septembre 1978. À l'époque, l'événement fait grand bruit et devient très vite l'affaire du parapluie bulgare, mais le procédé n'est pas nouveau, comme l'explique l'historien Frank Collard, auteur d'une somme intitulée « Pouvoir et poison, histoire d'un crime politique de l'Antiquité à nos jours ». C'est une arme à double détente, c'est une arme indirecte, c'est-à-dire que c'est une arme qui ruine la réputation de celui qui est censé l'employer, parce que c'est une arme déloyale, qui refuse donc le corps à corps, ça n'est pas une arme virile, le poison se dit virus, mais ça n'est pas une arme virile, c'est une arme qui est plutôt attribuée aux femmes, c'est une arme de la dissimulation, de la ruse, c'est une arme de la faiblesse, si l'on veut, et c'est une arme surtout qui déconnecte le geste criminel de son exécution, puisqu'on peut laisser du poison dans une coupe pendant des heures avant que celui à qui le poison est destiné prenne la coupe. Et donc, ça laisse évidemment toutes les chances à l'empoisonneur de pouvoir se sauver. Et puis enfin, c'est une arme aussi qui est utilisée de manière indirecte, au sens où il y a évidemment des empoisonneurs qui agissent eux-mêmes, mais ils se servent souvent de sbires, d'exécutants qui sont envoyés dans les cuisines, par exemple, pour essayer d'empoisonner les plats. Et donc c'est une arme tellement abominable que le droit romain, le droit canon aussi, en font une espèce d'arme tout à fait détestable, une arme horrible. Aconite, orpiment, douce solanée, charogne de serpent, morsure d'araignée, cantarella jusqu'à digital pourpre, mélanone, stramone, arsenic soufre. Sainte Locuste, belle Lucrèce, rangez vos fioles et venez. Est-ce qu'on peut prendre des exemples, Frank Collard, de grands empoisonneurs dans l'histoire ? Il y en a de multiples. Bon, si on remonte à l'époque romaine, il y a la fameuse Locuste, qui était censée empoisonner sur commande. Si l'on parcourt les siècles à grandes enjambées, il y a une réputation d'empoisonneur qui a été faite au Borgia, en particulier le pape Alexandre VI et puis ses enfants, puisqu'il avait un fils et une fille. Il y a la fameuse affaire des poisons à l'époque de Louis XIV. Il y a des empoisonneurs en série, mais alors cette fois-ci davantage dans la population ordinaire. Frank Collard, dans vos sources, est-ce que vous avez croisé aussi la rime entre espion et poison ? Alors, j'ai trouvé ça en particulier concernant la République de Venise, hein, qui a des espions à partir de 14e, 15e siècle, qu'elle envoie dans les cours, notamment les cours appelés les cours des barbaresques, des musulmans ou des turcs, pour voir si le sultan ou l'émir est bien gardé, si ses cuisines sont accessibles, s'il fait goûter ses plats avant de se mettre lui-même à table. Dans mes recherches concernant l'histoire médiévale, il y a des espions. Hein, c'est à la fin du Moyen-Âge, c'est assez connu. Bon, ils épient. Hein, ils épient plus qu'ils n'essayent de tuer, quand même. Hein. Avez-vous penser au poison pour se débarrasser de ce garçon. Dominique Fonvielle, vous êtes colonel, ancien agent à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, donc les services spéciaux français. Est-ce que espion, ça rime avec poison dans l'histoire ? Alors, oui et non, dans la mesure où le poison est a une utilisation, je dirais, d'origine culturelle. Tous les services de renseignement n'utilisent pas le poison, certains l'utilisent plus que d'autres. C'est d'un usage très ancien. Les Égyptiens ont commencé par là, alors ça remonte quand même à 3000 ans avant Jésus-Christ. Ils ont passé la main aux Grecs. Pharmako veut dire poison. En grec, donc toutes les études sur les poisons et les médicaments viennent de là. Le poison ressemble quand même culturellement à une utilisation plus prononcée du côté des régimes totalitaires. L'Union soviétique l'a beaucoup utilisé, mais avant les tsars, je l'ai dit tout à l'heure, mais la Tchéka a utilisé le poison. Et puis Staline, décrit comme le Borgia soviétique par Trotsky, qui devait être empoisonné, mais qui finalement s'est fait percuter la nuque à coups de pique à glace, je crois. Et puis, alors, la grande époque, maintenant, à notre époque, alors on utilise la ricine, le polonium-10, le thallium, le VX, le Novichok, oui, bien sûr, Novichok. Alors là, c'est une nouveauté, on est dans... Il y a une signification dans l'utilisation du poison. 7 mars 2018. Au moment où les caméras de l'aéroport de Kuala Lumpur le filment en train de décrire son agression aux policiers et demander de l'aide médicale, Kim Yong-nam n'a plus que 20 minutes à vivre. On en sait plus ce dimanche sur les résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps du demi-frère de Kim Jong-un, assassiné en Malaisie le 13 février dernier. Un corps dont l'identification formelle reste encore à effectuer, selon le ministre malaisien de la Santé, qui a expliqué que les médecins légaux travaillaient sur un profilage ADN. La victime a succombé à une paralysie très grave et est décédée dans un très court laps de temps après avoir respiré du VX, une substance neurotoxique classée comme arme de destruction massive. Deux femmes soupçonnées d'avoir administré la substance ont été placées en détention provisoire, de même qu'un Nord-Coréen. La police veut entendre 7 autres Nord-Coréens, dont un diplomate de l'ambassade de Corée du Nord à Kuala Lumpur. Mais 4 des suspects ont fui la Malaisie le jour de l'assassinat. L'aéroport de Kuala Lumpur, après nettoyage, a retrouvé son statut de zone sûre. Bruno Mégarban, vous êtes spécialiste en toxicologie et en réanimation ici à l'hôpital de la Riboisière. Parlons poison avec vous. Poison naturel ou poison fabriqué ? Expliquez-moi la différence. Dans la nature, il existe un certain nombre de substances qui peuvent se révéler toxiques à l'homme. Effectivement, c'est une histoire de dose généralement. Ces éléments naturels comme le thallium, l'uranium radioactif ou le polonium existent dans la nature. Néanmoins, ils ne sont pas faits pour être ingérés dans le corps humain. Et lorsqu'ils sont en contact avec l'homme en quantité importante, ils peuvent se révéler toxiques. Est-ce que la ricine, ça vient de l'arbrisseau ricin, c'est l'exemple qu'on peut donner ? Alors la ricine, c'est un poison naturel puisqu'il est issu d'un végétal. Ce végétal est une plante ornementale qui existe un peu partout. Néanmoins, la graine de ricine qui contient la ricine n'est pas destinée à être ingérée par l'homme. Le poison qui est contenu dans la graine, s'il est extrait, concentré et administré, alors plutôt par voie aérienne, par inhalation, que par voie d'ingestion digestive, eh bien, peut se révéler extrêmement toxique et létal. À l'inverse, un certain nombre de substances n'existent pas dans la nature, ont été fabriquées purement par l'homme, parfois dans un but de mettre au point un poison ou une arme pour tuer. Et donc la chimie de synthèse a permis de produire ce type de substance qui est toxique à l'homme, généralement en connaissance de cause et en connaissant le mécanisme par lequel cette arme va entraîner la mort de l'individu. Collard, quel est le poison qui circule dans l'histoire comme l'arme favorite ? Il y a d'abord des poisons de trois ordres, hein, des trois règnes, si vous voulez, animaux, végétaux et minéraux. On rencontre dans l'Antiquité plutôt des poisons végétaux, hein, qui sont bien décrits par Pline, par exemple, hein, dans son histoire naturelle, de l'aconite, par exemple, hein, ou du napellus, la digitale, enfin toute une série de plantes qui sont toxiques, dont on connaît encore aujourd'hui la toxicité, des champignons, hein, il y a des Césars ou des Augustes qui sont censés être morts d'un plat de champignons. Il y a des poisons animaux qui sont davantage présents à l'époque médiévale, dans des mélanges d'ailleurs assez effroyables. On retrouve de la bave de crapaud. Hein. On pense que le crapaud est un animal venimeux, ce qu'il est. Hein. Enfin, il faut quand même ingérer beaucoup de bave pour être empoisonné. Donc la bave de crapaud, le fiel, alors parfois le fiel de léopard. Alors, je pense qu'on ne trouve pas de fiel de léopard si facilement que ça, mais dans les traités des poisons, hein, que j'ai étudiés de près, voilà, on trouve ce genre de matériaux. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de savoir que le sang menstruel est considéré comme un poison, alors depuis longtemps, hein, depuis Aristote, mais dans les préparations de poisons, notamment imputées aux sorcières, il y a souvent du sang menstruel qu'on mélange avec de la bave de crapaud, et qu'on mélange également avec une sainte hostie, de telle manière qu'il y ait une sorte de contact entre le pur et l'impur, qui décuple la force du poison. Et puis il y a les poisons minéraux, comme l'arsenic, hein, par exemple, qui est utilisé déjà, ou le réalgar, ou le mercure, hein, que l'on trouve dès l'époque antique. Il y a des produits simples, hein, qu'on peut trouver dans la nature, hein, c'est le cas de l'aconite, par exemple, qu'on peut trouver chez des marchands, des apothicaires, comme le mercure et l'arsenic, et qui sont utilisés par des gens à bon escient, et puis par d'autres à mauvais escient, et qui sont considérés comme, comment dirais-je, eh bien présentant des risques qui sont parfaitement connus aux époques médiévales et modernes. Retour sur l'affaire du parapluie bulgare. Un fait est établi. Markov a senti une piqûre dans sa cuisse droite. Il s'est retourné et il a vu l'assassin qui avait fait tomber son parapluie. Ou bien il a entendu tomber le parapluie et il s'est retourné. Il a vu le parapluie par terre. Markov n'a jamais vu l'autre arme qui a été utilisée. Quand on analyse les expériences menées par le KGB et d'autres services secrets, on sait que les armes en forme de stylo à plume ou fonctionnant comme un stylo à plume ont été utilisées pendant de nombreuses années. Une arme de contact doit être appliquée contre un objet ou une partie du corps pour fonctionner. Ce n'est pas un pistolet, il n'y a pas de détente. Le mécanisme se déclenche par pression et le gaz ou la bille sont injectés dans le corps à travers le pantalon. La bille mortelle avait un diamètre d'1,5 mm. Composée d'un alliage de platine et d'iridium, elle était percée de deux trous se rejoignant à angle droit. Cet orifice était rempli d'une pâte qui fond à la température du corps humain. La pâte contenait une goutte de ricine, un poison très toxique. 1 mg suffit pour tuer un homme. Cet alcaloïde extrait du ricin inhibe la synthèse des protéines. 4 à 8 heures après l'inoculation, la victime est prise de fortes fièvres et subit des hémorragies internes. La mort survient 2 à 4 jours plus tard. Le poison, c'est une punition à double ou triple détente. Vous administrez du poison à quelqu'un, il va se tordre de douleur. On ne va pas utiliser des poisons à effet immédiat. On dit que le cyanure est très rapide, c'est pas tout à fait vrai. Je crois qu'il y a quelques secondes d'intense crispation musculaire, ça doit pas être tout à fait agréable. Mais certains sont plus longs. La ricine, on en a parlé, mais le novitchok et surtout le thallium. Le thallium, c'est une horreur parce que vous allez agoniser pendant des semaines et des mois et il n'y a pas de contrepoison, il n'y a pas de soins possibles. Là, on fait souffrir quelqu'un. Et on fait clairement passer un message. Ou certains autres poisons qui ne tuent pas, mais qui défigurent. C'est le cas du président ukrainien, Yushchenko, qui lui va être défiguré. À la dioxine. À la dioxine, voilà. Il est défiguré à la dioxine et le message, je veux dire, voyez ce qu'on peut faire. 23 octobre 2004. Merci Yushchenko, dit le drapeau des orangistes. Toujours rassemblé sur la place de l'indépendance, soutien à un homme fatigué. À l'intérieur du Parlement, Viktor Yushchenko, dont le visage semble s'être encore dégradé. Voici un an, jour pour jour, le visage du même homme qui, à 50 ans, avait, dit-on, le physique d'un Clinton ukrainien. Avant, après. Avant le 5 septembre 2004, après cette date fatidique, date d'un étrange dîner avec le chef des services secrets ukrainien. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que dans ces histoires de poisons dont on est abreuvé, c'est le cas de le dire à peu près toutes les semaines, ou en tout cas tous les mois, il y a manière de rattacher dans une longue durée, je dirais presque structuraliste ou anthropologique, ces crimes de poison, parce qu'ils se rattachent quand même toujours à un imaginaire qui n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, ce sont les moyens, évidemment, d'empoisonner, qui sont plus aussi rudimentaires qu'auparavant. Donc comment est-ce que vous, l'historien médiéviste, regardez l'actualité aujourd'hui ? Si on réfléchit à Yushchenko, atteint par le fameux agent orange, par des poisons qui devaient sans doute provenir du Kremlin, enfin en tout cas des cercles pro-russes, il m'a fait penser, avec son visage dévasté, grêlé, qu'il promenait partout pour montrer la malfaisance de ses adversaires. Et donc c'était une manière finalement de propagande qu'il avait retournée en sa faveur, puisque les poisons qu'il avait atteints ne l'avaient pas tué. Il m'a fait penser à des histoires que l'on trouve au Moyen-Âge de rois atteints par un poison, mais restant pâles toute leur vie. Et donc portant sur le visage la marque de l'infamie de leurs adversaires. Je pense à Louis VI le Gros, au XIIe siècle, qui aurait été empoisonné, c'est sans doute faux, mais par sa marâtre Bertrade de Montfort. L'abbé Sugère, qui écrit la vie de Louis VI le Gros, dit « Il resta pâle toute sa vie, portant une sorte de croix, de stigmate, montrant la mauvaiseté de sa belle-mère. » Est-ce que la personne empoisonnée, je pense par exemple à Alexandre le Grand, devient un héros parce qu'il est mort, il a succombé à cause d'un empoisonnement ? Il y a deux réponses contradictoires à vous apporter. Il y a une première réponse qui consiste à dire que c'est un héros puisque ne pouvant être vaincu par les armes, il n'a pu être vaincu que par le poison. Et donc ça forge la personnalité du héros. Un chevalier invincible, puisqu'on considère au Moyen-Âge Alexandre comme un chevalier, ne peut être vaincu que d'une manière déloyale. Mais il y a un autre aspect de la réponse qui consiste à dire que celui qui meurt empoisonné dans son lit en se tordant de douleur connaît une mort vile, une mort avilissante, qui n'est pas une mort chevaleresque, une mort de héros combattant, et qui donc se transforme en quelqu'un qui n'a pas su défendre sa vie sur le champ de bataille. Ancien agent du KGB, Alexandre Litvinenko avait trouvé asile au Royaume-Uni en l'an 2000. Il était devenu un opposant public à Vladimir Poutine, notamment sur la question tchétchène. Dès lors, les services russes se seraient servis de sa photo comme cible d'entraînement de ses agents. Le 1er novembre 2006, il prend le thé avec deux anciens collègues du KGB dans cet hôtel, un thé inhabituel au polonium, un produit hautement radioactif. Empoisonné, son agonie durera 3 semaines. Bruno Megarban, l'effet du polonium sur le corps humain, c'est quoi ? Alors, le polonium est une substance radioactive qui émet des rayonnements alpha. Cette radioactivité qui est émise par l'élément va entraîner des lésions au niveau des différents organes. Les organes les plus sensibles sont le tube digestif, et donc ça va donner une diarrhée. La moelle hématopoïétique, c'est-à-dire la moelle contenue dans les os qui permet la fabrication des cellules sanguines, et donc on va aboutir à une diminution des globules blancs, donc des défenses immunitaires, une diminution des plaquettes, donc un risque de saignement, et une diminution des globules rouges, donc une anémie. Et enfin, les cheveux. Donc, on va perdre ses cheveux. Alors, si la quantité à laquelle on a été exposé est importante, à ce moment-là, on peut avoir des atteintes d'organes plus vitaux. Et donc, effectivement, le poumon, le cœur, le rein peuvent être atteints par ces radiations. Est-ce que cet agent russe, donc Alexandre Litvinenko, on pouvait le sauver ? Cet agent russe pouvait être sauvé. Encore fallait-il faire d'abord le diagnostic rapidement. Cette personne a consulté à l'hôpital pour diarrhée au départ. Le diagnostic initial était celui de gastro-entérite. Il a reçu pendant une quinzaine de jours différents antibiotiques sans efficacité, alors même qu'il prétendait avoir été empoisonné. Et ça n'est que lorsque sa situation s'est empirée, qu'il a développé ses troubles de la moelle osseuse, avec une infection plus sévère, qu'il a été hospitalisé, que les choses ont été prises plus au sérieux. Mais malheureusement, le diagnostic n'est arrivé qu'en post-mortem, et donc c'était trop tard. Maintenant, les éléments dont je dispose, qui ont été publiés dans la littérature scientifique, laissent penser que pour cet épisode et cette personne-là, même si le diagnostic avait été posé le premier jour de son arrivée à l'hôpital, la quantité de polonium qu'il avait ingéré était telle qu'il n'aurait pas été possible de le sauver. Agent neurotoxique rarissime, le Novitchok est l'un des gaz les plus mortels jamais créés. Élaboré dans les années 80, alors que l'Union soviétique vit ses dernières années, il a pour but de renforcer le programme militaire chimique du bloc. Indétectable par un équipement standard, le Novitchok a été imaginé pour passer outre les équipements de protection chimique classiques. Constitué de deux ingrédients relativement inoffensifs, ne figurant pas sur la liste des produits interdits, une fois mélangés, ils deviennent mortels. Inhalés, les effets du Novitchok sont rapides. La victime peut être tuée en 30 secondes. Bruno Migarban, Novitchok, tentative d'empoisonnement de Sergei Skripal, un autre agent russe. Expliquez-moi comment il a été contaminé et comment il a réussi, lui, à s'en sortir. Alors, les modalités de contamination ne me sont pas connues, puisqu'évidemment, il y a un secret qui entoure l'affaire. Mais ce que l'on peut déduire des informations à ma disposition, c'est que la personne qui a commis cette tentative d'assassinat avait mis le produit Novitchok dans un flacon de parfum et donc a dû probablement vaporiser ce parfum sur l'ancien espion russe et sa fille. Sur la poignée de porte également. Puisqu'en fait, pourquoi cette hypothèse ? Puisqu'en fait, cette boîte de parfum a été abandonnée dans une décharge et 15 jours après, une personne a trouvé cette boîte de parfum, l'a offert à sa femme. Et finalement, sa femme est la seule victime qui est décédée de cette utilisation du Novitchok. Et lui-même a également été empoisonné sévèrement. Alors, comment ça agit ? Donc, le Novitchok est un agent neurotoxique, essentiellement fabriqué par les Russes. Il est voisin d'une gamme de produits qu'on appelle les organophosphorés, dont la molécule la plus connue est le sarin, qui a été utilisé dans l'histoire à plusieurs reprises, dans des attentats du métro de Tokyo par une secte Aoun qui avait décidé qu'il s'agissait de la fin du monde, et plus récemment dans le conflit syrien dans la banlieue de Damas, avec à chaque fois un nombre important de décès. Donc ces produits neurotoxiques agissent dans l'organisme humain parce qu'ils inhibent des enzymes importantes pour le fonctionnement de la neurotransmission. Et donc ils vont se traduire par différents symptômes, notamment le fait que la personne va avoir du mal à respirer. Alors essentiellement en sécrétant beaucoup de sécrétions respiratoires. Et donc ceci va aboutir à un encombrement pulmonaire et donc un étouffement. Si se rajoute à ce symptôme une paralysie des muscles, notamment respiratoires, et puis une atteinte des centres de la commande respiratoire. La conjugaison de tous ces effets fait que le mode de décès est essentiellement respiratoire. Sergueï Skripal et sa fille ont survécu. Comment ? Alors, ils ont effectivement survécu grâce aux thérapeutiques de la réanimation. Généralement, on va utiliser des moyens pour traiter les symptômes, essentiellement l'apport d'oxygène en grande quantité et l'intubation trachéale avec ventilation mécanique artificielle pour permettre la respiration. On va aspirer les sécrétions par des systèmes et on peut donner des antidotes. Alors l'antidote, on va dire classique, s'appelle l'atropine. C'est une antidote très disponible dans tous les camions du SAMU, dans tous les hôpitaux. Et donc son administration permettra de réduire les sécrétions bronchiques et l'ensemble des sécrétions du corps humain. Et donc d'essayer d'améliorer l'état respiratoire. En colère, Vladimir Poutine, qui envoie des messagers, des espions russes, liquider d'autres espions russes. Est-ce que l'usage du poison en fait un homme faible ou un homme fort ? Alors, on retombe toujours dans cette même ambiguïté. C'est une faiblesse que de ne pas pouvoir, affronter frontalement son adversaire. Mais c'est en même temps, une force virtuelle qui reprend la vieille tradition soviétique. Hein. Alors, il y a une continuité absolument aveuglante. Je retrouvais, là, en venant à votre émission, la formule que Trotsky avait à propos de Staline. Il l'appelait le super Borgia du Kremlin. C'est quand même une expression qui dit ce qu'elle veut et qui doit donner de la frayeur aux ennemis du peuple, aux ennemis du parti ou aux ennemis de la Russie poutinienne en leur montrant qu'ils sont accessibles absolument partout, qu'ils peuvent être empoisonnés très facilement. Et donc ça donne l'image d'une sorte d'omnipotence qui ne repose pas sur la force physique et qui repose sur la ruse et puis qui repose aussi quand même sur l'efficacité redoutable, ça n'existait pas au temps de Staline, hein, de certains poisons qui vous font mourir très très rapidement et pratiquement sans laisser de traces. Donc la réponse à votre question, c'est là encore une réponse double, c'est la pensée complexe, mais là en l'occurrence elle s'applique. Un signe de faiblesse sans doute, mais aux yeux des adversaires de Poutine, un élément pour terroriser. Hein. C'est ça l'idée, c'est faire peur et penser qu'on peut être atteint par les poisons du Kremlin, absolument, quand le maître du Kremlin l'a décidé. Dès 1921, il y a un laboratoire du poison qui fabrique des poisons absolument épouvantables et qui pourchasse les Russes blancs, les dissidents, enfin tous les adversaires de la Russie soviétique. Dans l'entre-deux-guerres, il y a toute une série de gens. Il y a le cas comme ça d'un dissident qui meurt dans un train en France, hein, après avoir bu du thé. Et ça fait penser à la malheureuse Anna Politkovskaya, alors qui a fini autrement, mais qu'on avait déjà essayé d'empoisonner dans un avion. Donc là encore, il y a une continuité. C'est surtout à partir de la Russie léniniste et stalinienne qu'on voit ces armes utilisées et qui sont reprises par Poutine dans une tradition aussi de cynisme et puis d'indifférence complète à la loyauté, à la morale, aux droits de l'homme. C'est la fin qui justifie les moyens. Espion rime avec poison. Des faits d'armes qui traversent les époques. Avec l'historien Franck Collard, auteur de Pouvoir et poison, histoire d'un crime politique de l'Antiquité à nos jours, publié au Seuil. Dominique Fonvielle, ancien membre de la DGSE. Et Bruno Mégarban, chef de service à l'hôpital Lariboisière, spécialiste en toxicologie. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Ce sera un vrai coup de foudre, mais c'est une autre histoire.